ton voir quand on est un ange, quand ici l'incertitude chante nos louanges. Que peut-on faire quand parfois rien ne change? Et si ta voix me guide qui est une étrange, te souviens-tu parfois de ces années-là? Quand tu frôlais le sol de cette terre si belle, t'arrives-tu à sourire en regardant mes pas, qui suivent les tiens dans ce monde sans joie? Est-ce qu'il t'arrive de là-bas chez toi, de te dire que ce n'était qu'un mauvais rêve tout ça? C'est lui qui souvent n'accepte pas, le rêveur qui refuse de marcher au loin. C'est lui que parfois je ne regarde pas, mais j'entends la joie quand tu joues pour moi. Que peut-on dire qui parfois dérange, ceux qui pensent là-bas parfois bien étrange? Mais il y a ta voix qui me dit tout bas de continuer le combat dans cette vie-là. Mais il y a ta voix que j'entends parfois, et ta musique à jamais aimée. Thank you.